C'est la fin du live, on continue en musique et en polar avec des extraits de Perfidia de James Ellroy. C'est un très beau matin, un beau matin d'été plein d'agents et de chiens. La ville se construit, les enfants sont tout nus. J'ai mal pris la nouvelle, elle n'est pas revenue. Fait du bruit, faut que je m'en occupe. Mon voisin veut me vendre à la brigade des stupes. Le destin a des doigts, mais la gloire a des ailes. Les roses de salon sont des fleurs bien cruelles. Les passants dans la rue sont tous des survivants. Elle a promis le mariage à un beau lieutenant. Le café est raté, le miroir est cassé. Te souviens-tu du vent et des anciens étés? Dépêche. Le président Rosenfeld veut savoir pourquoi les trublions d'Hirohito se massent en Indochine française. Dépêche. Radio Bangkok a diffusé des alertes concernant une attaque sournoise des Japs contre la Thaïlande. En ce moment même, des émissaires Japs s'entretiennent avec le secrétaire d'État Cordell Hull. Les Japs à la langue fourchue lui montent effrontément, car ils affirment vouloir la paix, tandis que le ministre Jap des Affaires étrangères, Shigeto Togo, reproche à l'Amérique son refus de comprendre les idéaux japonais et ses protestations incessantes contre les pogroms censément commis par les Japonais en Asie de l'Est et dans le Pacifique. Voilà, nous étions deux, et j'ai dit oui à son ennui. Si je le pouvais, je le regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calcul pour ce scandale. Cette fois, j'ai gagné. Thank you. Amis, cela devient universellement apparent. Cette guerre concoctée par les communistes se dirige droit sur nous, qu'on le veuille ou non. Aucun Américain sain d'esprit ne désire se battre pour les Youpins dans une guerre étrangère. Aucun Américain sain d'esprit n'a envie d'envoyer nos fils au loin courir un péril certain. Aucun Américain sain d'esprit ne conteste qu'il n'est pas possible de maintenir cette guerre-ci à l'écart de nos côtes si nous n'y mettons pas fin en terre étrangère. J'ai radicalement raison sur ce sujet, mes amis. L'apostasie me fait monter le rouge aux joues. Ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Ce n'est pas non plus Adolf Hitler et les patents Hirohito qui l'ont commencé. Ce sont les apparatchiks qui ont mitonné ce borch rouge et ont en dressé des amis les uns contre les autres dans le monde entier. Votre déchirement confine-t-il à l'apoplexie, mes chers amis ? Oui, la guerre fond sur l'Amérique, même si nous n'avons pas plus envie de la faire que d'aller nous faire pendre. Et l'Amérique ne se dérobe jamais devant un combat à mener. Thank you.

C'est ici, le drugstore Wallen, à l'angle de Spring Street et de la 6e rue. La cible de 4 braquages récents. Vol à main armée, section 211 du Code pénal de Californie. Ce magasin est trop vulnérable. 4 attaques en un mois en présagent une 5e. Il s'agit sans doute du même malfaiteur. Ce type agit seul. Il se masque le visage avec un foulard et il est armé d'un pistolet à canon long. Il rafle toujours des narcotiques et l'argent liquide du tiroir caisse. La brigade de répression des vols manque de personnel. Un cinglé portant un masque de Hitler a braqué 3 bars dans le quartier de Silver Lake. Vol à main armée et dégradations diverses. Le cinglé a assommé les serveurs avec son pistolet et tripoté les clientes. Il adore appuyer sur la détente. Il a criblé de balles les jukebox et les étagères remplies de bouteilles d'alcool. La brigade de répression des vols est débordée. C'est Ashida qui a construit le bidule photographique à déclenchement automatique et il a aussi choisi l'endroit où il pourrait le tester. Il a créé le prototype quand il était encore au lycée. À l'époque, il a fait ses premiers tests dans les douches du lycée Belmont. Il s'est servi de son invention pour photographier Bucky après l'entraînement de baseball. We can smell the misery, touch it anyway. Oh well, there is no dignity, what more can I say? We hear the bad news every single day. Well, I'm sorry, this, there is no way to feel gay. This is our world. This is our world. This is our world. voiture fait une embardée en s'engageant dans Spring Street en direction du nord. Le conducteur remarque Ashida. Évidemment, il hurle « Saloperie de Jap !» C'est Red Pinker qui réagit. Évidemment, il hurle « Va te faire foutre !» Ashida examine le sol. Le câble de déclenchement traverse la chaussée et s'arrête au trottoir opposé, devant le drugstore. Le malfaiteur s'est garé 4 fois au même endroit. Le câble est relié à un appareil photographique protégé par un bloc de caoutchouc dur. Quand une voiture se gare, le passage des roues sur le câble active le mécanisme. L'obturateur se déclenche et une photo est prise de la plaque d'immatriculation arrière. Les clichés sont enregistrés sur du film 35 mm contenu dans un chargeur de 250 vues. Selon la fréquence des déclenchements, un seul chargeur suffit à enregistrer les plaques de toutes les voitures susceptibles de se garer en une journée, voire pendant plusieurs jours. Pinker allume une cigarette. « Nous perdons notre temps. Nous ne sommes pas des flics, mais des civils spécialisés en criminologie. Nous savons bien que ce foutu bidule fonctionne, alors pourquoi sommes-nous là ? Ce n'est pas comme si nous avions reçu un tuyau pour nous indiquer un nouveau braquage. » Ashida sourit. Et vous la connaissez la réponse à cette question. Si la réponse est « Nous n'avons rien de mieux à faire » ou encore « Nous sommes des scientifiques dont la vie personnelle ne vaut rien », alors vous avez raison. Un bus passe, cap au sud. Par la fenêtre, un Mexicain lance des ronds de fumée. Il voit Ashida. Il hurle « Puto Jap !» D'une pichenette, Pinker lance sa cigarette dans sa direction. Elle retombe avant d'atteindre le bus. « Lequel d'entre vous est né ici ? Lequel d'entre vous n'a pas traversé le Rio Grande à la nage ?» Ashida rectifie la position de son nœud de cravate. « Répétez-moi ce que j'aime entendre. Vous étiez exaspéré la première fois que vous me l'avez dit, donc je sais bien que c'était une réaction sincère. » Pinker sourit. « Vous êtes mon protégé, alors vous êtes mon Jap. Ce qui fait que je m'intéresse tout particulièrement à vous. Vous êtes le seul Jap employé par la police de Los Angeles, ce qui vous rend encore plus unique et me confère un cachet d'autant plus exceptionnel. » Eisbären müssen nie weinen. possession et reste à l'affût du moindre détail. Tu poursuis ta route et ta papa. Ashida rit de bon cœur. Une 238 se gare devant un drugstore. Les roues passent sur le câble, l'obturateur se déclenche. Un homme de grande taille sort de la voiture. Il a les cheveux bruns et les petits yeux marrons de Bucky Blyshirt. Ashida le regarde entrer dans le magasin. Ashida scrute la vitrine du drugstore et suit l'homme des yeux. La vitre déforme ses traits. Ashida identifie cet homme comme étant Bucky. Il ferme les yeux. Il cligne des yeux, il ouvre les yeux et le transforme. À présent, les mouvements de l'homme possèdent la grâce propre à Bucky. Il ne se déplace pas, il plane. Il sourit, révélant de grandes dents en avant. L'homme ressort du drugstore, la voiture s'éloigne. Ashida bat des paupières. Le monde perd l'éclat particulier que lui a donné pendant une minute la présence de Bucky Blyshirt. Pinker et Ashida reprennent leur surveillance. Pinker s'adosse à un réverbère et fume cigarette sur cigarette. Ashida reste figé et s'imprègne du bruissement de Los Angeles. La guerre approche. Les échos de la ville n'évoquent pas autre chose. Hideo Ashida est un Issei. Il est né en Amérique de parents japonais immigrés. Il est leur deuxième fils. Son père est poseur de rail. Papa avale des lampées de sirop à la terpine et se tue à la tâche dans son métier. Sa mère a un appartement à Little Tokyo. Fidèle soutien de l'empereur, elle parle le japonais uniquement pour contrarier son fils. La famille possède une exploitation maraîchère dans la vallée de San Fernando. C'est son frère Akira qui la dirige. Dans cette région, la plupart des terres cultivées appartiennent à des Issei. Leurs légumes sont ramassés par des Mexicains sans papier. Cette pratique est courante chez les Issei. Elle est déplorable, elle est prudente, c'est une façon de s'assurer une main-d'œuvre bon marché. Cet usage frise l'esclavage contractuel, mais il assure la solvabilité des fermiers Issei. C'est aussi une pratique qui entraîne la collusion. La famille verse des pots de vin à un capitaine de la police nationale du Mexique. Les paiements évitent aux sans-papiers d'être envoyés au Mexique. Akira accepte cette pratique et la met en œuvre sans se demander si elle est conforme à la morale. Elle permet à son frère Hideo, le deuxième fils, de ne pas se préoccuper de l'entreprise familiale et de s'adonner à sa passion pour la criminologie. We'll be right back. Thank you. Possède des diplômes universitaires en chimie et en biologie. Il a obtenu un doctorat à Stanford à 22 ans. Il n'ignore rien de la sérologie, des empreintes digitales, de la balistique. Voilà un an qu'il a intégré la police de Los Angeles. Il souhaitait travailler avec son légendaire chef de laboratoire. C'était un protégé à la recherche d'un mentor. Ray Pinker était un pédagogue à la recherche d'un disciple. Telles sont les bases sur lesquelles leur association s'est formée. Les frontières entre leurs rôles respectifs n'ont pas tardé à s'effacer. Ils sont devenus collègues. Pinker était d'une cécité remarquable en ce qui concernait toutes les questions raciales. Il compara Ashida au fils numéro 1 de Charlie Chan. Ashida apprit à Pinker que Charlie Chan était chinois. Parker lui répondit « Tout ça, pour moi, c'est de l'hébreu ». Spring Street est bordé de sapins de Noël blanchis avec de la fausse neige. Ils sont couverts de fientes et de suie. Devant le drugstore, un gamin vend le Herald à la criée. Il braille la manchette du journal. FDR, c'est-à-dire le président Franklin Delano Roosevelt et les Japs. Discussion de la dernière chance. Pinker dit « Ce sacré bidule fonctionne. » « Je sais. » « Vous êtes un sacré génie. » « Je sais. » Ce violeur en liberté a encore frappé. La brigade des mœurs pense qu'il appartient à la police militaire. Il a encore forcé une femme il y a 2 soirs. Ashida hoche la tête. La première victime a arraché un bout de son brassard. Il portait sa chemise d'uniforme sous la veste de sa tenue civile. J'ai des échantillons de fibres textiles dans mon labo à l'appartement de ma mère. Pinker reluque une grosse blonde qui enlace langoureusement un marin. Le marin lance à Ashida un regard noir. Bucky Blyshirt monte sur le ring à l'Olympique demain soir. De sources bien informées, il va encore livrer quelques combats et puis il va entrer dans la police. Ashida rougit. J'ai connu Bucky au lycée. Je le sais, c'est pour ça que j'ai parlé de lui. Il boxe contre qui ? Un tocard nommé Junior Wilkins. Elmer Jackson l'a coincé une fois pour escroquerie. avec un pasteur noir, il avait monté une arnaque sur le thème « Retour en Afrique ». We'll be right back. Ford, 1937, se gare devant le drugstore. Instinctivement, Ashida regarde le numéro de la plaque et le note aussitôt, par précaution. Cal KFE 621. Et voilà, les roues touchent le câble, l'obturateur se déclenche. Si la photo est bonne, l'immatriculation sera confirmée. Pinker tousse et se détourne d'Ashida. Un homme sort de la voiture, il porte un feutre et un manteau au col relevé. Ce détail fait tiquer Ashida. La température est trop douce pour qu'on sorte en par-dessus. Pinker tousse de nouveau à répétition. Il est presque plié en deux. L'homme remonte un mouchoir devant son visage. Ashida sent passer un frisson. C'est parfait. C'est idéal. Pinker n'a pas vu l'homme. Ils ont le numéro de la plaque. Il peut laisser le braquage s'accomplir. il pourra mener son enquête scientifique depuis le tout début. L'homme entre dans le drugstore. Ashida regarde sa montre, il est 9h24. Pinker se retourne et allume une cigarette. Ashida scrute la vitrine du drugstore. L'homme longe le rayon des dentifrices. Ashida consulte sa montre discrètement. L'homme s'accroupit et disparaît de son champ de vision. 9h25, 9h26, 9h27. Pinker dit « Ma femme pense que je tousse à cause des poussières dans l'atmosphère, mais moi je crois que c'est simplement un excès de mucus. » L'homme ressort du drugstore en courant. Il tient un sac en papier et un pistolet qu'il dissimule à moitié. Il bouscule et fait tomber le crieur de journaux, saute dans sa voiture et démarre en tombe. Pinker lâche « Nom de Dieu !» Sa cigarette lui tombe des lèvres. Le crieur de journaux entre en courant dans le drugstore. Pinker fonce vers une bande d'appels de la police. Ashida se précipite vers son système de prise de vue. Il rembobine la pellicule et la sort du boîtier. Il l'arrange soigneusement pour la développer au labo. Thank you. Voiture passe au ralenti. Le conducteur est un Shriner, c'est-à-dire un membre d'une société philanthropique d'obédience maçonnique qui se consacre aux programmes de santé, aux œuvres caritatives, etc. C'était une petite note de notre part. Donc, le conducteur est un Shriner en grande tenue, fesse compris. Il voit Ashida et fait toutes sortes de grimaces. Ashida se relève et brandit les poings. La voiture s'éloigne. FDR et les Japs, discussion de la dernière chance, braille de nouveau le petit vendeur de journaux en fixant Ashida. Enfin, une sirène de police à 9h31. Ashida ne bronche pas. Une voiture de police tourne le coin de la rue et s'arrête en dérapage à quelques centimètres du bidule photographique. Ashida est tout près du véhicule. Il en reconnaît les occupants, Buzz Mix et Lee Blanchard. Les deux hommes descendent de la voiture. Mix travaille au QG de la répression des vols. Blanchard, lui, travaille au QG de l'îlotage. Mix porte un costume qui sort de la teinturerie. Blanchard porte l'uniforme dans lequel il a dormi la nuit précédente. Mix demande « Que se passe-t-il, mon petit ? Comment se fait-il que vous soyez arrivé avant nous ?» Blanchard demande « Que se passe-t-il, Hirohito ?» Mix tire d'un coup sec la cravate de Blanchard pour lui secouer vivement la tête. Blanchard rougit. Ashida désigne son invention. Monsieur Pinker et moi étions en train de tester ce dispositif. Ce drugstore est fréquemment attaqué, c'est pourquoi nous l'avons choisi pour nos essais. Les roues d'une voiture qui se gare déclenchent un appareil photographique caché sous cette tubulure. Nous avons la chance de tomber sur un vol à main armée. La voiture du suspect est immatriculée KFE 621. Mix fait un clin d'œil et s'accroupit près du bidule photographique. Blanchard remonte dans la voiture de police pour lancer l'alerte. Mix est un ancien volontaire employé au reboisement des régions touchées par les tempêtes de sable des années 30. Il a été acteur de western. Il est entré dans la police de Los Angeles sous le règne de James Edgar Deflingue Davis. Il a porté des valises pour livrer à domicile les pots de vin distribués par le maire Frank Shaw. Les jurys d'accusation du comté ont démis Shaw et Davis de leurs fonctions. Mix a échappé à 14 inculpations. Oh. coups de cœur aux affamés. Les maîtresses des petits gens, la mère de toute la nation. Oh.